Ce jour tant attendu s'est élevé pour nous. Tu étais étendu, moi j'étais comme fou. Deux cœurs battaient en toi, au rythme de mon cœur. Et il y avait tant de joie dans tes cris de douleur. Notre amour prenait corps par ton corps torturé. Et rien n'était plus fort que l'instant qu'on vivait. Ce dont nous avions peur nous unissait bien plus que le plus grand bonheur, ce jour tant attendu. Ce jour tant attendu s'est élevé enfin. J'étais comme perdu, mais je ne pouvais rien, rien pour toi qui souffrais. Luttais contre le temps, rien pour toi qui criais, tout en te débattant. Tes yeux cherchaient mes yeux qui regardaient les tiens, et tes ongles furieux se plantaient dans mes mains, annonçant le bonheur pour deux êtres éperdus. Naissait dans la douleur ce jour tant attendu. Et ton corps déchiré soudain s'est apaisé en mettant au grand jour le fruit de notre amour.